Bonjour et bienvenue dans l'émission Les Oreilles du Monde, présentée par l'association Les Mondes d'Utopie. Nous sommes le jeudi 13 février, il est 10h et avec nous aujourd'hui, il y a du beau monde. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir Nanou. Coucou. Alors aujourd'hui, on a aussi Jeanne qui est avec nous. Bonjour. Et Sophie. Bonjour, bonjour. Tout le monde va bien ? Quand Sophie aura fini de prendre des photos. Ouais, on est bien, on est bien. Ouais, ok. Bon, bah, c'est parti. Alors, Nanou, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Eh ben, au programme du jour, dans un premier temps, Jeanne nous parlera de concerts d'hiver, notre événement qui se déroulera le 22 février à la salle des fêtes de Rochesson. Ensuite, Camille, on te laissera la parole pour interviewer la fameuse Sophie. On n'en dit pas plus pour l'instant. Mystère. Qui est-elle ? Ensuite, c'est moi qui prendrai la parole pour interviewer deux groupes qui passeront lors de notre événement du 22 février, concert d'hiver Tousdek et Liwal. Et ensuite, nous finirons l'émission avec notre nouvelle rubrique de cette année, la pause poésie de Jeanne. Et entre-temps, il y aura des petites surprises. Alors, donc la petite surprise dont vous parle Nanou, c'est qu'on va organiser un espèce de petit concours là aujourd'hui pour gagner une place donc pour concert d'hiver. Alors, je vous suggère d'attraper vos téléphones portables. Bon, vous allez voir, c'est assez simple. Hein. Faut noter le numéro, envoyer votre nom et votre prénom. Et à la fin de l'émission, on va faire un petit tirage au sort. Et puis, il y aura une personne qui gagnera une place pour le samedi 22 février. Alors, je vous donne le numéro. C'est donc le 06 73 54 05 25. Alors, vous inquiétez pas, on le rabâchera assez régulièrement dans l'émission. Donc on est en direct de la radio Gémozo et c'est à toi Jeanne. Très bien. Donc le 22 février à Rochesson, nous organisons concert d'hiver. Donc pour vous rappeler un peu qui nous sommes, l'association Les Mondes d'Utopie, elle a été créée en septembre 2016 pour être précise. Et c'est une association qui est créatrice d'événements culturels dans le respect de l'homme et de la nature, qui est donc basée à Rochesson. Donc cette année, nous allons organiser 7 événements, donc des soirées-concerts en passant par des marchés de producteurs, une journée avec des ateliers de chant, de danse et autres activités artistiques. Et aussi, les petites nouveautés de cette année, ce sont deux soirées guinguettes qui auront lieu en juillet et en août sur la place du village, donc à Rochesson. Les dates restent à définir. Les dates ne sont toujours pas définies. Donc, les objectifs de l'association et de ces rassemblements, ce sont de créer du lien intergénérationnel et aussi simplement de permettre aux gens de se rassembler dans la bienveillance. Voilà, voilà. Et donc oui, le 22 février, nous organisons la 3e édition de concert d'hiver. Donc pour la petite histoire, ça a débuté en 2017 et c'était le tout premier événement des Mondes d'Utopie. Donc en plein hiver, ça a pour but simplement de réchauffer les cœurs au milieu d'un hiver vosgien parfois rude, même si cette année ça va bien. Et donc concert d'hiver, ça a à chaque fois 3 concerts. Cette année, on aura le plaisir d'accueillir la petite Huguette, ici présente, qui ouvrira le bal à 20h30, suivi de Tousdek, et on finira en beauté avec Liwal. Donc voilà, ça va envoyer du steak. On ouvrira les portes à 19h, et sur place, vous retrouverez une petite restauration, donc cuisinée par les bénévoles avec amour, bien sûr, et que des produits locaux et bio, comme d'habitude. Il y aura aussi donc, le bar avec des bières artisanales et différents softs, eux aussi faits par des bénévoles. Donc un sirop de plantes, le fameux iced tea maison, tout ça, tout ça. Le fameux ginger beer. Ginger beer, tout à fait. Donc voilà, on vous attend nombreux le 22 février à Rochesson. Sinon, je pense que Jeanne a tout dit. Bah oui, très bien, c'était parfait. Voilà. On vous attend nombreux. Alors, je répète le petit numéro de téléphone hein, pour le jeu. On va remouliner ça un petit peu régulièrement. Donc c'est le 06 73 54 05 25 pour tenter de gagner une place à concert d'hiver. Pour 3 magnifiques concerts, voilà, aux influences variées. Donc maintenant c'est à moi, oui. C'est ça ? Bah, c'est à nous, Sophie. Yeah. Alors Sophie, elle est chaud patate déjà. Alors je vais faire une petite présentation que c'est Nanou qui a fait, hein. J'ai pas fait mes devoirs. C'est Sophie qui me l'a envoyé. Ah bon bah c'est Sophie, voilà. Donc en fait ça va pas trop t'étonner. Je vais lire. Ok. Ok, donc je vais vous lire ce que Sophie nous a envoyé. Alors, la petite Huguette est une amoureuse. Oh oui. Oh oui, tu peux faire... Oui. Oh oui. J'allais dire des, petits, des petites remarques, mais oui, allez, allons-y. Donc, une amoureuse de la vie, de la musique, des rencontres qui réchauffent le cœur. Je suis d'accord. Ok. Merci Sophie. Sophie Pierrel compose ses chansons, puis elle fait la connaissance d'Alexis Balandier, accordéoniste qui fera valser ses refrains. Ta-ta-ta. Après quelques concerts, Frédéric Français, guitariste, rejoint le duo en apportant sa touche swing. Okay. Au gré des chemins, elle croise Laurent Crivisier à la batterie qui viendra rythmer la cadence. Poum, poum, tcha. Très bien. On a bien noté poum, la batterie. Poum, ouais, voilà. Ensuite, depuis 2017, la petite Huguette, dans une ambiance cabaret, se produit sur la scène locale vosgienne en offrant ses propres compositions, mais aussi en faisant swinguer les chansons d'artistes des années 30 aux années 50, tels que Boris Vian, Léo Ferré, Mistinguette et bien d'autres. Un voyage dans le temps où on se surprend à rêver d'amour. L'amour. L'amour. Voilà, merci. Donc, j'ai bien lu ? Ouais, c'était ouais, super. Nickel. Ok, parfait. Bon, Sophie, oui. La première question qui nous vient, bah pourquoi la petite Huguette ? Parce qu'un jour, la petite Huguette... Non. En tout cas, ça interloque, hein, parce que souvent, quand on ramène les fly, « Ah, la petite Huguette !» Tout le monde rigole. Eh oui. Non, la petite Huguette, parce que c'est la maman de notre guitariste Frédéric Français, qui s'appelait Huguette. Et on cherchait un nom de groupe, on faisait une marche au Girmont, Val d'Ajol, tous ensemble. Et on cherchait un nom pour fédérateur pour le groupe, qui nous représente bien. Et c'est vrai que comme on a un esprit un peu guinguette, accordéon, qu'on reprend des vieux textes, la petite Huguette collait bien. Et comme on est... voilà, ça correspondait bien. Comme on est... Comme on est un peu olé olé aussi, voilà. Qu'on aime bien tacler du jupon de temps en temps... Du coup, c'est devenu la petite Huguette. La petite Huguette. Ça me va très bien. Bah moi, je trouve aussi. Oui, donc la petite Huguette, c'est à la fois des compos. Alors ça va du tango à la valse. On a même mis un petit reggae la dernière fois qu'on a tenté pour la première fois chez Rudy à l'Estam. Il y a 15 jours sur une version swing. Version swing, et on reprend également des textes des années 30, 50, dans l'idée de refaire revivre justement des vieux textes, de magnifiques textes qu'on a oubliés. Ça réchauffe les cœurs, ça fait danser, je trouve ça assez sympa. Ouais, bah nous on était là donc pour vérifier qu'on avait fait un bon choix. Hein. On est venu aussi te voir donc à l'Estaminet là, la dernière fois, et c'est vrai que c'est bien, c'est ambiance, ça donne l'ambiance, ça swing. Moi en plus, tu m'as fait plaisir à reprendre celle de Boris Vian, là, que j'adore. Fais-moi mal. Ouais, celle-là, elle est génialissime. J'adore. Et du coup, voilà, donc c'est vrai que c'est bonne ambiance et puis ça fait plaisir, ces vieilles musiques. Et donc, les compos, là, vous en êtes à combien ? Oh, j'en ai qui tournent, on en a 8 à peu près qui tournent, qu'on fait tourner. D'accord. Après, on en a d'autres sur la patte, mais qu'il faut mettre en musique. Et, puis, ouais. Et on reprend également des textes, c'est ça que je trouve génial dans la musique, parce que la musique, c'est des rencontres, c'est le cheminement de toute une vie, en fait. Et on reprend aussi des textes de Guillaume Mouillon, Bouclette, qui se produit sur Épinal, qui fait beaucoup maintenant de spectacles pour enfants. Et il avait écrit des textes magnifiques comme La Perle rare ou Des jours comme ça, qui étaient interprétés à l'époque par une amie très proche, qui n'est plus là maintenant. Et donc on prend le relais et on retransmet encore ces textes. C'est la vie qui continue, c'est un chemin, enfin je trouve ça magnifique. Et la musique, c'est ça aussi, c'est retransmettre... Retransmettre des histoires, retransmettre des émotions, des tranches de vie, et la petite Huguette fait partie de tout ça aussi, voilà. D'accord, donc il y a quelques c'était chansons qui sont émotion. Un peu... Oui, je... c'était la séquence je émotion. Constate. Oui, donc il y a des chansons qui, voilà, qui sont chargées et qui, pour toi, ouais. ont quelque chose de très sentimental et de très beau. Très personnel, oui. Et donc, un album peut-être bientôt ? Pas pour l'instant, c'est pas dans les... D'accord, pour l'instant vous continuez à tourner, voilà. Tranquillou, préparer votre spectacle. Voilà, ouais. D'accord. Et du coup, à l'Estaminet, vous passiez avec le Spleen in Tour, alors ouais, c'est quoi Spirit exactement Live Tour, ouais. Organisé par la Souris Verte, donc c'est un concours ouvert aux groupes locaux. Mmh. Ça permet de se faire connaître, ça permet aussi de rencontrer d'autres groupes, ce qui est super sympa, d'échanger, de partager, de voir ce qui se fait sur la scène locale, et ça bouge vraiment. On a vraiment la chance d'avoir pas mal de choses qui tournent dans le coin et qui vont, ça vaut vraiment le coup. Donc on s'est inscrit, on a été sélectionné, on verra après ce que ça donnera. Ok, parce que là voilà, c'est un concours, et si jamais vous gagnez, il y a combien de lauréats ? Alors un lauréat, hein, je pense à la fin, okay. Là à l'issue de la série de concerts qui se déroule jusque fin avril, je crois. Oui, le dernier concert, c'est le 17 avril. Il restera plus que 8 groupes en liste sur les 47 qui étaient inscrits au départ. Ah oui, quand même. Ouais. Et s'en suivra ensuite d'un concert sur la scène à la Souris Verte. Et le lauréat gagne notamment un clip tourné, ce qui peut être super sympa. Mmh. Ah bah ouais. Et c'est surtout l'occasion de se faire connaître. Bah oui, surtout qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de musique sur Internet de la petite Huguette pour l'instant qui sont disponibles. Ouais, non, on a juste mis un titre en ligne, mais c'est volontaire aussi de notre part, c'est parce qu'on ne veut pas diffuser n'importe quoi. D'accord. On préfère diffuser quelque chose de propre et de sympa. Bah vous avez bien raison. Ouais. Voilà. D'accord. Et du coup, des envies d'aller, vous avez comment dire ? Des envies de tourner un petit peu ailleurs, là ? Vous avez déjà des propositions pour d'autres endroits où vous tournez plutôt localement ? Ouais, on a deux, trois choses sous le coude, on va voir, mais bon, ça fait seulement un an et demi hein, qu'on est formé, donc là, on est seulement prêt à pouvoir proposer justement assurer des scènes un peu plus conséquentes et être carré, être propre et donner quelque chose de beau. D'accord, et du coup, c'est vraiment une volonté de continuer ou c'est juste se faire plaisir ouais. On se fait plaisir avant tout. Ce qui fait plaisir, c'est de voir qu'on fait plaisir aussi en face, et ça, c'est super sympa. Oui. Voir des jeunes ou même des anciens, hein, parce que en fait, je me rends compte que nos textes et les chansons qu'on reprend peuvent en fait correspondre aux oreilles de à la fois des anciens qui retrouvent des airs qu'ils avaient oubliés, ouais. Et des jeunes qui découvrent de vieux textes remis au goût du jour. Donc ce mélange-là, je le trouve super sympa. Et puis après, on verra bien, quand on se fait plaisir, on donne du plaisir, et puis tant que ça tourne, ça tourne. Qu'est-ce que je pourrais bien dire en plus, Nanou, t'as une idée, ou Jeanne, Moi j'avais une question, j'aurais aimé un peu plus en savoir sur votre parcours musical, ouais c'est la question relou, si tu veux bien c'est l'instant question relou à Nanou. Ouais, tu veux connaître ton parcours musical, comment t'es arrivé à la musique, comment t'es arrivé aussi à ces registres musicaux, parce que t'as accompagné aussi de super musiciens. Ouais. Ça, ça, je l'appuie. Une grande chance. Mais magnifique. Grande chance d'avoir rencontré. Oui, énormément. Enfin, tous les cinq, hein. Quatre. Tous les quatre. Ouais. Oui, tous les quatre, vous êtes magnifiques et vous avez chacun votre talent, quoi. On a tous une touche différente, ouais, en fait. On a quatre univers complètement différents. Et c'est une très belle fusion. On sait, ouais, c'est la vie, c'est ça la musique aussi, c'est comme je le disais, c'est des rencontres, c'est des hasards, des opportunités, des... J'ai rencontré Alex il y a maintenant 6 ans au moins. J'avais monté un autre groupe avant. Et j'ai cherché un accordéoniste parce que c'est un instrument qui me touche vraiment au cœur. Et j'ai cherché un accordéoniste pour nous accompagner. Et en achetant une guitare, on m'a donné le nom d'Alex. Je l'ai appelé, il est venu à une de nos répètes et on a déliré jusqu'au petit matin. C'était du grand n'importe quoi. Et il faut dire qu'à l'époque, voilà, j'avais écrit juste quelques textes et je ne connaissais absolument rien à la musique. Je sais faire un mille arrêts à la guitare pour D'accord. m'accompagner, mais voilà quoi. Je savais pas ce que c'était qu'un break, un chorus, une ligne, je savais pas. Et donc c'était complètement à l'arrache. C'était du grand n'importe quoi, mais on s'est éclaté. Et puis ensuite, Alex fait partie du groupe Les Bacs Plus Zinc. Donc je suis allée voir ce qu'ils faisaient, on a super sympathisé, je suis allée pousser la chansonnette avec eux. Et Fred, qui est guitariste également des Bacs Plus 1, m'a proposé également d'accord. de nous accompagner. On a créé notre répertoire, on a bossé les compos. Et Laurent nous a rejoint ensuite à la batterie. Et lui, Laurent, il a un autre groupe dans les Vosges. Comment ça se passe pour lui ? Oui, Laurent a fait partie de plusieurs formations. Il est prof de batterie. Ouais. Il fait partie de plusieurs formations aussi. Alex et Fred aussi. Alex, lui, est plus dans un registre musette. Fred est plus dans un registre jazz. Oui. Et c'est un pointu du jazz. Super jazzeux. Jazzeux. Et le batteur, très bon batteur. Excellent. Ouais. Je me repose sur lui, c'est un confort. Je sais qu'il est là, je sais qu'il me relance, je sais que c'est un soutien, il est super. Laurent, si tu nous écoutes, je t'aime, Laurent. Je ne te l'avais encore jamais dit jusque-là, mais Laurent, je rêve de toi, je t'aime, je ne pense qu'à toi, tu es beau, Laurent. Et toi, Sophie, on le rediffusera au cas où il n'est pas entendu la première fois. Ton parcours musical. Comment t'en es arrivé à la chanson, toi, hein? C'est plus la voix, ton instrument. Ouais. T'as toujours aimé chanter? T'as pris des cours? Dis-nous tout. Rien du tout. Je n'ai pas pris de cours. C'est naturel. C'est naturel. Ça m'a demandé énormément de travail parce que et je remercie Alex qui m'a suivi. D'ailleurs, Alex, si tu m'entends. Alex, je voulais te le dire. Alex, si tu nous écoutes, je t'aime. Je ne pense qu'à toi. Je rêve de toi. Tu es beau avec ton accordéon. Et Alex a eu une patience phénoménale pour me faire reprendre chaque mesure, chaque phrase. On ne se rend pas compte, en fait, sur une chanson, le travail qu'il y a derrière. C'est deux minutes de vie qui passent comme ça. On donne tout, mais derrière, il y a un travail énorme. Et j'ai appris à me discipliner. Donc au départ, j'ai commencé avec ma petite guitare toute seule dans ma cuisine avec les potes et mes peines de cœur aussi. C'est souvent comme ça qu'on écrit le plus facilement quand on a mal au cœur, qu'on sent. Donc j'ai écrit 2-3 textes comme ça et puis j'ai eu la chance de pouvoir pousser la chansonnette à l'époque au domaine des Planètes chez mon frangin qui organisait des concerts, je suis montée sur scène et j'ai été repérée par un groupe qui s'appelle les Petits-Fils de Janine, un groupe qui est venu jouer, ils fêtent leur 10 ans d'ailleurs là cette année, ils m'ont invité à venir sur scène avec eux le 6 juillet à Épinal, ils se produiront je crois à Place des Vosges. Épinal, un groupe exceptionnel, des foufous, ils sont terribles et ils m'ont invité à descendre à Bordeaux avec eux, enregistrer une maquette. Je suis descendue et on a enregistré les 8 titres qu'on a là sous la patte. Ils m'ont fait des arrangements de fou. Et je me suis resservie de cette maquette-là pour, avec le groupe de la petite Huguette, remettre à notre sauce les morceaux et développer le répertoire en reprenant les vieux textes qui me tenaient à cœur. Vieux textes de Ferré, de Boris Vian, de Mistinguette, Mon Homme, Paris Marlou, que j'adore, Boris Vian, Fais-moi mal, voilà. En tout cas, tu les interprètes avec justesse, hein, vraiment. Hein. Merci. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti lors du concert à l'Estam chez Rudy. Oui, c'était vraiment bien. Il y a deux, trois semaines, ouais. C'est vraiment interprété avec justesse. Merci, j'y mets tout mon cœur, en tout cas. Et, on le sent. Ah, ouais. Et j'aime bien, c'est aussi un hommage aux femmes, à tout ce qu'on peut vivre, nous, dans nos vies, en termes d'amour, de don de soi, de déception aussi, et je trouve ça pas mal, ça met une petite claque aussi aux hommes. Puis j'aime bien remuer les jupons, les regarder, leur dire nous les nanas on est là quoi. Bien, eh bien écoute, on va peut-être écouter un petit extrait de la petite Huguette, voir qu'est-ce que vous allez pouvoir en penser, entendre le 22 février. Ah, on a hâte. Ouais. Ah ouais, carrément, ça va être chouette. La première fois que tu viendras à nos événements, non, Sophie? Ah oui, oui, oui. Et en plus, elle vient sur scène, alors là, si c'est pas beau. Du coup, je te propose qu'on écoute Camouche. La valse à Camouche, ouais. Allez, c'est parti. Si ça veut bien, allons-y. Le petit Camouche. Il en a plein la tête, le cœur en cartouche. Il partira peut-être. Il rêve Camouche. Il rêve d'un pays où les gens s'aimeraient et vivraient de musique. Peut-être même que Camouche y prendra une guitare. Son père, retourner au café d'à côté. Et je l'ai cherché, mais ta mouche s'est envolée. Il lui a enfin souri, c'est le patron qui me l'a dit. Et je crois qu'ils sont partis. Allez, allez, en tourbillon de la vie. Mon petit Camouche, t'as mis des rêves plein ma tête et le cœur en cartouche. Je partirai peut-être, alors elle me tient à cœur la chanson là, la valse à Camouche, parce que c'est la première chanson que j'ai composée. Et ma fille s'appelle Camille, et c'est un hommage à Madouce, que j'aime de tout mon cœur, qui est à l'école là en ce moment. Je pense fort à elle. Donc ouais, gros coup de cœur pour la valse à Camouche. Ok. Du coup, parce qu'en fait j'allais te poser la question, puis t'as enchaîné direct quoi, donc nickel. Ensuite on voulait s'écouter Tout est foutu. Est-ce que t'as quelque chose à nous dire sur celle-là? Ah, Tout est foutu, elle est... j'adore. J'adore parce qu'elle remue cette chanson. C'est l'histoire du, enfin c'est la fin d'une histoire d'amour, l'histoire d'une nana qui se retrouve dans sa chambre toute seule et qui regarde la porte de sa chambre, qui ne s'ouvrira plus parce que son mec l'a larguée. Et en plus le refrain Tout est foutu, je trouve que ça représente bien l'image que j'ai du monde dans lequel on évolue en ce moment, avec toujours une touche d'optimisme parce qu'il faut, parce que voilà, tout n'est parce que sinon tout est foutu. Bah tout est foutu, bah, ouais. Sinon. Donc avec une bonne part d'amour et de bienveillance, et la musique joue aussi beaucoup, je pense qu'on peut faire quelque chose de meilleur, ou en tout cas à notre petite échelle, oui, transmettre énormément de choses positives. Donc c'est un petit message comme ça qui me fait plaisir à faire passer. D'accord, donc celle-là c'est une compo aussi quoi. Ouais. Ben écoute, on va l'écouter hein, ma foi. Tout est foutu. Il y a un petit peu une intro ouais, comme parce ça que tout sur est le. Foutu. Voilà. C'est pour mettre le suspense un petit peu comme ça. Hop là. Tout est foutu. C'est parti. Et puisque je n'ai plus le droit d'appeler, tu n'entreras plus sans frapper. Sous mes draps, mon corps qui n'attend plus que toi. Choubidoua, choubidoua, choubidoua, choubidoua. Peut-être que tu viendras quand même. Pour un instant je serai tienne. Alors mon cœur s'emballera, alors mon corps t'appartiendra. Mais tu ne passeras pas la porte, cette porte de bois qui t'attend là. Et même si le vent l'emporte, cette porte restera de moi. À me narguer toute raide comme ça, juste bonne à me montrer du doigt. Cet amour-là qui ne viendra plus, puisqu'entre nous, tout est foutu. Tout est foutu. Tout est foutu. Tout est foutu. Tout. Ce ne fut l'amour que d'un été, un interlude, d'un bout de gaieté. Et puisqu'en lui, je me perdais. Et puisqu'en lui, je m'oubliais. Je ne voudrais perdre pour un instant ce tout bonheur qui me fait tourment. Choubidoua, choubidoua. Mais tu ne passeras pas la porte, cette porte de bois qui t'attend là. Et même si le vent l'emporte, cette porte restera de bois. À me narguer toute raide comme ça, juste bonne à me montrer du doigt. Cet amour-là qui ne viendra plus, puisqu'entre nous tout est foutu. Tout est foutu, tout est foutu, tout est foutu, tout. Thank you. Peut-être que tu viendras quand même. Pour un instant je serai tienne. Alors mon cœur s'emballera. Alors mon corps t'appartiendra. Mais tu ne passeras pas la porte. Cette porte de bois qui t'attend là. Et même si le vent l'emporte, cette porte restera de bois. À me narguer tout raide comme ça. Juste bonne à me montrer du doigt. Cet amour là qui ne viendra plus. Puisqu'entre nous tout est foutu. Tout est foutu. Alors, je passe la parole à Nanou. Après avoir découvert la petite Huguette, je vous propose maintenant de découvrir Tousdeck. Donc, Tousdeck, à la base fanfare de rue, aujourd'hui un brass band, composé de multiples cuivres, bois et percussions. Tousdeck nous fera vibrer avec son répertoire éclectique et ses compositions sortant des sentiers battus. Ces 8 musiciens revisitent les cadres musicaux en mariant vraiment avec talent de multiples styles, comme le classique, le jazz contemporain, le ska, le funk, de la musique de l'Est aussi, pour des compositions uniques, riches et savoureuses. Ils viennent de fêter leurs 10 ans et ont déjà 4 EP à leur actif. Donc là, je vous propose d'écouter 2 morceaux de leur dernier EP, Bullseye, et le premier morceau, on va écouter Waro. Vous êtes toujours en direct de la radio Gémozo, dans les oreilles du monde, présenté par les mondes de l'utopie. Donc on peut... Ah oui, le petit jeu concours pour gagner la fameuse place de concert pour concert d'hiver le 22 février à Rochesson. Donc vous envoyez votre nom, votre prénom avec un petit message au 06 73 54 05 25. Le 06 73 54 05 25 et vous gagnerez peut-être la place Nanou. En attendant, on continue avec un deuxième morceau de Toussdek, toujours de leur dernier EP, Groove Rabbi Groove, sur l'EP Bullseye. C'est parti. Thank you. Et voilà pour tous deck. Eh ben maintenant on va passer à l'interview s'ils sont au téléphone. Allô, allô. Allô, allô, salut. Salut, c'est Jonathan et Manu. Jonathan, ouais. Salut ça. Jonathan, c'est Nanou, comment tu vas aujourd'hui? Nickel, au top. T'es prêt pour une petite interview? Ouais, on est prêt avec Manu. Eh ben écoutez les gars, on va commencer par tous deck. Donc moi j'ai une première question qui peut paraître bateau mais qui pour moi est vraiment primordiale. J'adore connaître les origines d'un nom de groupe, donc tous deck, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? Bah je te laisse répondre, John. Bah, alors tous deck, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous des copains ou tous des connards, quoi, c'est comme tu veux. Eh ben voilà, maintenant j'ai ma réponse. On se décidera le 22 après le concert. Voilà. Si j'ai bien compris, à l'origine, fanfare de rue, aujourd'hui vous êtes devenu un brass band. Il y a une évolution scénique, une évolution musicale. Comment ça se passe en 10 ans? Parce que là, vous venez de fêter vos 10 ans, quand même, avec 4 EP, c'est pas rien. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une évolution scénique, évolution musicale? Vous auriez quelque chose à nous dire là-dessus? Bah ouais, évolution musicale, en fait, quand ça a commencé tous deck en 2009, on a commencé ça vraiment avec des gens qui ne savaient pas forcément jouer de leur instrument. D'accord. Donc on a appris vraiment tous ensemble, on a découvert, il y en a qui savaient bien jouer leur instrument, d'autres moins. On a vraiment progressé musicalement déjà, dans un premier temps. Et on a commencé en rue, parce que c'était ce qui nous faisait triper à la base. Puis en fait, au fur et à mesure de faire des scènes, on s'est dit que ce serait bien de développer le côté scénique et de faire plus que ça en fait, parce qu'on aime vraiment ça. Okay, se nourrir, c'est tout en fait, c'était... commencer à amplifier les instruments, à rajouter après à terme des effets, voilà, petit à petit. Et c'est vrai que on s'est dirigé vers ça, on a privilégié la scène à la rue, quoi. Ok. Bon, après dans vos albums. Nous au micro. Pour ma part, on entend toujours ce petit côté fanfaronnesque quand même qui reste, quoi, qui sera toujours chez vous, je pense. Ça c'est le côté parce qu'on est des super potes. Et que du coup, notre musique, elle retransmet peut-être ça, où on aime bien, il y a un petit côté festif, ouais. Ok. Alors, vous avez un registre super éclectique, une fusion des styles qui, pour moi, est faite avec talent, vraiment. J'aimerais savoir ce qui vous fait vibrer dans la fusion des styles. Alors déjà, il faut savoir que dans le dernier EP, par exemple, chaque morceau est composé par un membre des Tous Deck. C'est ça aussi qui fait la différence des styles, je pense, dans cette dernière EP. C'est-à-dire qu'on a chacun notre univers musical et on apporte chacun un morceau dans l'album, quoi. Donc là, tu viens de répondre à ma future question, Jonathan, mais c'est très bien. Tu vois que je suis un peu devin. Ouais, on anticipe. Mince, il n'y a plus de questions. Allô, oui, allô. C'est parce qu'il vient de répondre à ma future question. Donc là, dans le dernier EP, à ce que vous venez de dire, c'est que chaque membre du groupe a composé un morceau, en fait. Tout à fait, c'est ça. Ok. Et moi, j'aimerais savoir quels artistes, je pense qu'il y en a énormément, mais quels artistes influencent le plus le groupe en entier? Parce que maintenant, je pense que votre groupe, il a quand même une entité. Au bout de 10 ans, je pense qu'on chope une entité. Et j'aimerais savoir ce qui vous influence le plus. S'il y a des artistes encore que vous pouvez nommer, qui vous influencent encore aujourd'hui? Je pense qu'il y en a un notamment, je ne sais pas, dis-moi Manu, mais il y a Youngblood Brass Band. Ouais, il y a les Youngblood, ça c'est vrai que ça nous a beaucoup inspiré. C'est un groupe qu'on a bien suivi, quoi. Un groupe de la New Orleans, c'est ça? Ouais, un peu le même... Même délire, c'est un brass band qui joue sur scène avec la batterie séparée, qui font une sorte de mélange de brass band hip-hop. Et c'est vrai que depuis le départ, on a toujours aimé les suivre, écouter, alors on les a même vus en concert. Donc ça c'était une bonne influence chez les Tous Deck. C'est vrai que brass band hip-hop, ça doit être pas mal du tout à écouter, hein. Ça doit être assez chouette. Je vous conseille d'écouter ce groupe-là. Eh ben, on écoutera avec plaisir. Et comment vous voyez l'avenir maintenant de Tous Deck? S'il y en a. Du coup, l'album, l'EP, il est sorti en novembre. Donc nous, on aimerait bien cette année tourner un peu avec avec quoi pour le présenter au public. Et bah après ça nous a bien relancé, donc je pense qu'on va retrouver des moments pour rentrer en création, pour pouvoir sortir des nouveaux morceaux. On a une bonne dynamique là, donc c'est cool. Et des clips, plein de choses, on a plein de projets, c'est juste le temps, et parce qu'on est beaucoup et qu'on arrive à s'organiser tous ensemble pour pouvoir mettre ça à jour, mais en tout cas, ouais, on a bien lancé la machine avec ce EP-là. Eh ben, que des bonnes nouvelles, c'est chouette. Et ouais, c'est vrai qu'à 8, ça doit pas être facile d'avoir des répètes assez régulières quand même avec les vies de chacun. Ah ouais. Parfois, ça peut être un peu compliqué. C'est vraiment pas le plus facile. En plus, maintenant, il y a plein d'enfants. Ah, bah c'est beau aussi les enfants. Et dites voir les gars, à Rochesson pour tous deck, on aura le droit à votre dernier EP ou alors un petit mélange des 4 EP? Qu'est-ce que vous allez nous faire si vous voulez bien nous dire un petit mot? On va vous présenter le nouvel EP et on va jouer 2-3 tubes. 2-3 tubes des tous deck, quoi. Trop bien. Bien sûr. Ah ouais, avec plaisir. Trop bien. Vous avez quelque chose à rajouter pour tous deck qui vous tient à cœur, que vous aimeriez nous faire partager? On a hâte de venir vous voir. Nous aussi, on a hâte de vous accueillir. Eh ben, maintenant je vous propose qu'on écoute un petit extrait de Liwal, donc du prochain. Ah oui, parce que je n'ai pas expliqué à nos chères auditrices, à nos chers auditeurs, que Manu et Jonathan font partie de tous deck, mais aussi de Liwal. Donc c'est des deux groupes. Par conséquent, là, nous venons de faire le petit interview de tous deck. Nous allons mettre un petit morceau de Liwal et nous passerons ensuite au groupe Liwal. On garde les mêmes et on recommence avec, pour un nouveau groupe. Avec Jonathan et Manu. C'est parti. Pour Liwal. Donc, de Liwal. Mm-hmm. Nous venons d'écouter Liwal. Comme vous l'avez entendu, c'est de la trance instrumentale aux influences électro et orientales super chouette. Et on va retrouver Jonathan et Manu. Et bonjour. Et bonjour. Bonjour. Comment ça va depuis tout à l'heure? Ben, très bien. Impeccable. On change de casquette. Voilà. Voilà. Donc maintenant, deux musiciens du groupe Liwal, le groupe qui clôturera notre concert d'hiver. Donc le mieux, Manu et Jonathan, je pense que je vais vous laisser définir Liwal et un petit peu expliquer le parcours, si vous le sentez comme ça aussi. Eh ben ouais, avec plaisir. Ouais, je pense que c'est le mieux. Alors, par quoi on commence? Par où on en le est début maintenant? Par où vous voulez, ce que vous voulez dire de Liwal en fait. Je vous laisse carte blanche sur Liwal, c'est à vous de nous dire ce que vous avez envie qu'on entende. Trop cool. Du coup, Liwal c'est une fusion entre la trance, le dub, la musique, les musiques orientales. Voilà, c'est vraiment ce qui nous définit, c'est-à-dire que on aime puiser un peu des thématiques dans tout ce qui peut nous inspirer, l'Orient, ou le... tout ça, ça va se retrouver dans les thèmes, les mélodies. Et puis derrière, on a une bonne rythmique dub, trance, avec des machines et la batterie. Et ça définit un peu notre univers. Donc aujourd'hui, on est quatre musiciens. Moi à la clarinette, John à la batterie. Et on a deux nouveaux là qui sont au synthé et au bouzouki. Ah ouais, donc qui va apporter la petite influence orientale. Voilà, le bouzouki. Exactement. Voilà. Donc à l'origine, quoi, ça fait quoi maintenant, 5 ans? 5 ans que nous on était ensemble avec John. Donc avant ça s'appelait Deyosan. Et là. Récemment, on s'est ouvert vers une nouvelle formule avec d'autres musiciens, mais en gardant les mêmes compositions et la même énergie, quoi. Simplement, okay. À la place du sitar, maintenant c'est un bouzouki. Voilà, en gros. D'accord, ouais, donc vous garderez les mêmes influences. Alors, qu'est-ce que Liwal va nous offrir sur scène le 22 février? Vous avez déjà eu le temps de faire des petites compos? Comment ça va se passer? Alors non, on n'a pas fait de compo pour l'instant, on a fait qu'une reprise de rôle de Deyosan, donc on a repris tous les morceaux qu'on avait avec Deyosan et on les refait. Là on est en résidence en ce moment même pour préparer le concert du 22. Cool. Donc c'est pour ça qu'on est ensemble avec Manu là. Et donc on va proposer un gros set comme on le faisait avec Deyosan, mais en mieux. D'accord, et du coup, c'est la première de Liwal? La première, ouais. Ah ouais, c'est la première de Liwal. On a l'exclu. Vous l'avez en exclusivité. Exclusivité, vous verrez ce que ça donne comme ça. Tu m'étonnes, toi, l'exclusivité. Et bon, la petite dernière question. Comment vous voyez l'avenir pour Liwal? Sur des bonnes bases, quoi. Allez, c'est reparti, on y va. Nouveaux Zikos. Là, on n'est que d'une bande de 4 potes maintenant qu'on se connaît vraiment par cœur, tous les 4. Ah ouais, ok, d'accord. Donc vous êtes une bande de copains. C'est ça qui est chouette. C'est ça qui est vraiment chouette. Du coup, on est parti sur des très bonnes bases. On est super motivés et on bosse. Et parallèlement, on a un autre projet. C'est intéressant d'en parler aussi. Oui, vas-y. On a encore quelques minutes. Tu peux, Jonathan. Eh ben, on est parti avec Deyosan, du coup, juste avant que ça arrête. On est parti en Israël faire un projet avec un chanteur yéménite. Ouais. Qu'on va continuer avec Liwal. Ce chanteur s'appelle Gouladza. Et il a une super voix, c'est magnifique. Et là, on fait une résidence encore la semaine prochaine avec lui. Il vient d'Israël pour nous rejoindre en France, là. Pour monter une nouvelle formule, on aura deux formules avec Liwal. Liwal que nous, et le projet avec Gouladza. Ah, mais génial! Voilà, donc avec du chant. Et donc là, on va bosser. Puis on a hâte aussi que... de pouvoir vous faire écouter ça un jour, peut-être. Ah, mais avec grand plaisir, ouais. Donc ça fait que maintenant, on aura le choix pour Liwal. Ça sera soit la formule que de la musique, ou soit la formule avec chant. Voilà, exactement. Eh ben, très bien. Eh ben, les gars, moi, perso, je pense que c'est bien pour Liwal. Camille, tu voulais rajouter quelque chose? Eh ben, écoute, juste que... moi, je suis bien contente que vous soyez là le 22 février à Rochesson. Et puis, voilà, oui, on a hâte d'écouter un petit peu ce nouveau groupe qui est en... qu'il est nouveau, mais il est pas si nouveau que ça, puisque voilà, c'est un peu un changement comme ça. Donc c'est René. Voilà, c'est un remix, c'est de un remix de l'ancien groupe. Donc voilà, juste hâte. Sophie, bah, j'ai hâte de vous rencontrer, hein, Liwal. Sophie, en fait, c'est la chanteuse de La Petite Huguette. C'est le groupe qui ouvrira. C'est le groupe qui ouvrira concert d'hiver. Ok, ah yes, trop cool. Cool, mais on se dit à tout bientôt alors. Bah ouais, au 22 alors. Et puis ben les gars, si vous voulez bien, on va finir par un coup de cœur musical, si vous en avez à nous faire découvrir et à faire découvrir à nos auditrices et à nos auditeurs. Bah ouais, moi je pensais à Bachar, Marc Alifé. Oui. T'aurais quelque chose à dire dessus ? Ah ben c'est un morceau que j'ai découvert il y a un an à peu près. Et c'était un de mes gros coups de cœur en musique orientale, qui mélange un peu les musiques électroniques aussi. Et j'adore ce morceau, je trouve qu'il a une super voix, j'adore, voilà. Eh ben, on vous remercie Jonathan et Manu pour cette interview. On vous fait des gros bisous, on vous souhaite une belle journée et on vous dit à dans une semaine et demie. Ça roule, à bientôt, ciao ciao. Salut. Allez, salut. Donc vous êtes toujours en direct de la radio Gémozo. Dans l'émission Les Oreilles du Monde. Donc on fait un petit rappel aussi pour gagner une place à concert d'hiver le 22 février. Vous pouvez envoyer un petit message avec vos coordonnées au 06 73 54 05 25. Le 06 73 05... Non, 06 54 05 25. Je ne sais même plus mon numéro. Ok, et ben du coup on écoute Bachar Marc Alifé qui est un petit coup de cœur à moi aussi, ça me fait bien plaisir d'écouter ça. Le coup de cœur de Jonathan et Manu des groupes Tousdeck et Liwal et le coup de cœur de Camille. Allons-y. زماني اللي غايب على حياة الفرحة الفرحة Thank you. ذات الفرحة Bachar Marc Khalifé. En espérant que ça vous ait plu, en tout cas super coup de cœur et super découverte pour moi aussi du coup. Et tout de suite, pour passer de registre, la pause poésie de Jeanne. Tout à fait Nanou, donc c'est ma toute première chronique poésie sur Radio Gamozo. Donc pour fêter ça, j'ai choisi de vous lire un poème de Robert Lamoureux. Donc je vais vous parler un peu de Robert. Robert, il est né en 1920 à Paris et il est mort en 2011 à Boulogne-Billancourt. Il a donc vécu 91 ans, ce monsieur, et il a fait pas mal de choses. Il a été acteur, humoriste, réalisateur, poète, parolier. Et parmi tout ça, il a surtout fait l'éloge de la fatigue. C'est celui que j'ai choisi de vous lire aujourd'hui, car il m'a beaucoup touché et j'ai envie de vous le partager. Et pourquoi il t'a touché ? Il m'a touchée parce qu'il permet d'envisager la fatigue autrement. Et je suis sûre que ça va vous aider. En tout cas, moi, ça m'a aidée. Alors, l'éloge de la fatigue. Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer. Vous me dites enfin que je suis fatiguée. Oui, je suis fatiguée, monsieur. Mais je m'en flatte, j'ai tout de fatigué, la voix, le cœur, la rate. Je m'endors épuisé, je me réveille là. Mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas. Ou, quand je m'en soucie, je me ridiculise. La fatigue, souvent, n'est qu'une vantardise. On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit. Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit ? Je ne vous parle pas des tristes lassitudes qu'on a lorsque le corps harassé d'habitude n'a pour se mouvoir que de pâles raisons. Lorsqu'on a fait de soi son unique horizon. Lorsque l'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre. Cette fatigue-là est mauvaise à entendre. Elle fait le front lourd, l'œil morne et le dos rond, et vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Mais se sentir plié sous le poids formidable des vies dont un bon jour on s'est fait responsable, savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains, savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain, savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source, aider une existence à continuer sa course, et pour cela se battre à s'en user le cœur, cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre, on va aider un être à vivre ou à survivre. Et sûr qu'on est le port et la route et le guet, où prendrait-on le droit d'être trop fatigué ? Ceux qui font de leur vie une belle aventure marquent chaque victoire en creux sur la figure. Et quand le malheur vient y mettre un creux de plus, parmi tant d'autres creux, il passe inaperçu. La fatigue, monsieur, c'est un prix toujours juste. C'est le prix d'une journée d'effort et de lutte. C'est le prix d'un labour, d'un mur ou d'un exploit. Non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit. C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie. C'est la preuve aussi qu'on marche avec la vie. Et quand je rentre la nuit et que ma maison dort, j'écoute mes sommeils et là, je me sens fort. Je me sens tout gonflé de mon humble souffrance. Et ma fatigue, alors, est une récompense. Et vous me conseillez d'aller me reposer ? Mais si j'acceptais là ce que vous me proposez, si je m'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement, de fatigue. Merci Jeanne, c'est vrai voilà. Qu'il est très beau ce poème. Hein. Oui, et puis il a raison hein, Robert, d'un sens, quand on est mort on sera plus fatigué, autant prendre la fatigue différemment. Oui, savourons les amis. Et voir la vie de ce côté-là. Hein. Oui, et d'être content d'être fatigué parce qu'on a fait beaucoup de choses et qu'on a accompli. Parce qu'on lutte, bah, puis qu'on construit. Mmh. C'est ça. Donc soyons heureux d'être fatigués parfois plutôt que de nous plaindre. Hein. C'est peut-être ce qu'il voulait dire en fait, Robert. Tout à fait. Bah, merci Jeanne. Merci Jeanne. Avec plaisir. Oui. C'était très chouette. Je propose maintenant qu'on repasse un petit coup à concert d'hiver, qu'on refasse un petit check-up. Allez. Donc concert d'hiver le 22 février, c'est 3 concerts depuis 3 ans maintenant. Multiples influences pour cette année avec la petite Huguette qui ouvrira le bal. Petite Huguette, chanson française swingée, musette, valse, jazz un petit peu. Sophie, tu veux rajouter quelque chose? Oui, moi je voulais faire une petite dédicace à Boubou qui est en tournée internationale en ce moment. Je te le dis pas encore, mais Boubou, je t'aime. Et donc je crois qu'il est au Japon là en ce moment, mais peut-être qu'il nous écoute avec le plus grand hasard. Donc un artiste Boubou qui m'a beaucoup influencé. Vous pourrez le retrouver notamment dans son opus Boubou le grand chauve déglingué. Si tu nous entends Boubou, je pense à toi et j'espère que tu es bien là-bas au bout du monde et que la musique swing pour toi. Voilà. Super. Et j'ai hâte de vous retrouver samedi soir, de brûler des planches avec vous et ça va swinguer, ça va valser, ça va être au top. On va enflammer le parquet. Ouais, peut-être même qu'on va se prendre une grosse musette, je sais pas. Donc Sophie avec la petite Huguette ouvrira le bal, ensuite il y aura Tousdek, le brass band, puis Liwal. Donc, ces trois concerts auront lieu, comme je le disais et je le répète, le 22 février à la salle des fêtes de Rochesson. Nous ouvrirons les portes à 19h. Il y aura une petite restauration sucrée et salée. Il y aura un bar, comme d'habitude, avec de la bière artisanale et différents softs faits par nos soins. Et les tarifs, qui est-ce qui les connaît? Parce que moi, je ne les ai pas en tête. Les tarifs, ils sont de 15 euros pour les non-adhérents et 12 pour ceux qui le sont. Tout en sachant que l'on peut adhérer à l'entrée. Voilà, ça fait des tarifs préférentiels à chaque fois. Ouais. On vous attend avec grand plaisir. Comme je le disais, troisième édition, encore placée sous le signe instrumental, avec de très très bons musiciens. Ça va être beau, ça va être varié. Il y en aura pour tous les goûts et il y aura de la découverte. Donc je pense que c'est le moment aussi de venir découvrir des styles musicaux qu'on a peu l'occasion encore d'afficher dans les Vosges. Exactement. Personne ne lui a dit musique. Tout est dit. Ok. Et on va passer maintenant, Sophie, à ton coup de cœur musical. Eh oui, mon coup de cœur musical du jour, un coup de cœur qui me fait chaud au cœur le matin quand je me réveille et qui me met la patate. Rich Man Poor Man de Clinton Ferron, j'adore, ça met la ouache pour toute la journée. D'accord, et ben ma foi, on va écouter ça. C'est parti. Oh yeah. Sisters, here's no gender situation. cry, don't cry, don't shed no tears. Oh, my little brother, don't cry, don't cry, don't cry, don't cry, don't shed no tears. Oh, my little sister, oh, no, no, no, no, no, no. Voilà, vous êtes toujours en direct de la radio Gamezo dans l'émission Les Oreilles du Monde présentée par Les Mondes d'Utopie. Eh bien, l'émission touche à sa fin, n'est-ce pas? Donc, c'est le moment de savoir mais qui a gagné donc cette place pour le 22 février. Roulement de tambour. Donc, notre gagnante, c'est Laurence Axer. Donc, elle va pouvoir gagner une place pour venir au concert des Mondes d'Utopie. Donc le 22 février, pour voir nos trois groupes, dont La Petite Huguette, Tousdek et Liwal. Voilà, Liwal. Alors, Nanou, qu'est-ce que, on s'arrête là ou qu'est-ce qui se passe? On est toujours à l'antenne. Hein. J'étais en train d'envoyer notre petit selfie sur la page des Mondes d'Utopie. C'est bien. Comme quoi on était belle et heureuse d'être à l'antenne. Eh ben, on peut refaire un petit check-up en vous redisant une dernière fois que le 22 février à Rochesson, troisième édition de concert d'hiver. Pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas voilà, entendu qu'on vous y attend. Cette magnifique émission. Eh ben, tout est bon pour moi, Camille. Ok. Quelqu'un a envie de... Bah, pour Sophie, moi, tout est foutu, mais... Peut-être quelqu'un encore a aimé, Sophie ? Bah écoutez, oui, je voulais dire à la planète, au monde entier, je vous aime, je rêve de vous, je vous attends. D'accord. Bon, et ben sur ce, on vous souhaite une belle fin de journée et puis ben, on se retrouve, comme d'habitude, chaque deuxième jeudi du mois pour l'émission Les Oreilles du Monde. Bravo ! En direct de Radio Gamezo. Merci, merci Sophie. À toutes et à merci tous. Merci pour l'accueil, merci. Pour tout, c'était génial. Merci la copine de Sophie qu'on n'a pas entendu. Notre presse, hein, avec mon attaché de presse. D'accord. Qui veille à ce que tous mes mots soient bien placés, bien... Voilà. Ok. Donc, ça a été ma prestation. Okay, on vous souhaite une belle journée, une belle semaine, et on vous dit, on l'espère, au 22 février. À bientôt tout le monde. Des ciao, bisous. Ciao. Bisous, bisous. Je vous aime. Je rêve...